D'après toi, qu'est-ce que je suis, moi? Comment? Quel genre de type je suis, d'après toi? Ben, le genre aventurier. Et c'est quoi, un aventurier? D'Artagnan, Zorro. Si un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier. Parce que les emmerdements, dès qu'il y en a quelque part, je peux pas résister, je plonge. Je plonge. Je plonge. Oh. Sur le loco bon d'enfoiré. L'avenir paraît grave noir vu les récits de nos pères. Je me donne l'impression d'exister en posant mon place au fat cap sur tous les rideaux de fer. Je te mens humble, ce truc est vicieux, est-ce ma destinée? J'écris ça dans ce nuage de fumée grise où je peine à respirer. La vie d'adulte est mouvementée, les doutes en tête. Je reste un vandal immature et tourmenté, j'ai tout en tête. Pour chasser la brume qui m'empêche de voir, en quête de gloire, j'assumerai la tempête de sable. Nous passerons devant la foudre est un mirage. Tout peut se finir en une fraction de seconde. Chaque jour est un miracle. N'espère pas rentrer sec quand l'averse piquera. L'esprit noir, tous empêtrés dans la même spirale. C'est viral, en vrai pour décélérer c'est l'occasion. Les virages sont de plus en plus serrés, fait péler qu'on crache. Et même si nos cris sont inaudibles, on sait nos fautes. Attristé c'est pour Yann et Pino que je vide mon verre au sol. Oh, ne prenez pas en compte mon impuissance. J'en ai plus que marre de marcher dans cette absence. Désolé mais j'peine à apaiser mon impatience. De toute façon la vie n'a pas de sens. Non, ne prenez pas en compte mon absence. J'en ai plus que marre de marcher dans ce tas de cendres. Désolé mais j'peine à apaiser mon impatience. De toute façon la vie n'a pas de sens. J'm'obstine à percer pour la mif et décrocher le titre. Faire béton l'adversaire au tapis, tel est l'objectif. Il faudra se taper pour le score, ramener grave de somme. Le regard noir sous le bob, j'crache des balles de colle. Avant de parler de moi faudra faire ta life aux alentours. J'vois pas d'échappatoire, c'est normal que j'escalade. Je me demande où est passé notre état d'âme. Mes frères slalom entre l'excès d'alcool et le vol à l'étalage. Un profond décalage et même si la vie c'est pas ça, je pose mes tacs sur toutes les façades à l'encre néfaste. Croquer le dessert c'est le but du visionnaire. Faudrait que je m'élève, ancien mauvais élève, mes futurs millionnaires. Je viens pour dévaliser ce game, j'ai trop d'essence là, l'essence crame. Pendant que les MC mangent des grandes baffes. Tu crois me tétaniser, t'es bête ou quoi, je rentre dans le tas. Je me dois de réaliser mes rêves avant que le temps ne passe. Oh, ne prenez pas en compte mon absence. J'en ai plus que marre de marcher dans cette absence. Désolé mais j'peine à apaiser mon impatience. De toute façon la vie n'a pas de sens. Non, ne prenez pas en compte mon absence. J'en ai plus que marre de marcher dans cette absence. Désolé mais j'peine à apaiser mon impatience. De toute façon la vie n'a pas de sens.